Je flânais le long du lac, les yeux sur le sol, le regard dans le vague, les cailloux dans les yeux, à la recherche d'un signe de l'au-delà. Je pris la direction qu'empruntait un bourdon. Je croisais un couple militaire qui s'embrassait de la pire manière. Me rapprochant de l'eau, je me préparais mentalement à l'exécution de mon plan. Tandis que les hameçons des pêcheurs s'enfonçaient dans les crânes des lombriques affamés. Je repensais à Marcel, à mon cher et tendre Marcel. Il aimait donner son vieux pain aux oiseaux migrateurs. Un faux pas et le voilà sur les grilles en fer du parc, empalé de haut en bas. Je n'oublierai jamais les oiseaux qui chantaient. Et tel un étendard, Marcel flottait dans le vent froid de cette fin d'été. Qui chantent. J'ai pensé me jeter dans le lac, mais je suis restée, le gros orteil au-dessus de l'eau, à douter. L'eau était plus froide que jamais. Les oiseaux qui chantaient.